le système s'écarcera. Mais croyez-moi, ça se paiera. Nous, on ira jusqu'au bout. S'il faut, on viendra partout. On crèvera même les pigeons pour leur piquer leur pognon. Vous pourrez pas résister. Les punks sont trop révoltés. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La révolte est en marche, l'anarchie c'est pour aujourd'hui. Les bourgeois on les arrache et on boit des bières toute la nuit. Oh, que bon, pas content. Que bon, pas content du tout. Ça fait trop longtemps que ça dure, maintenant on se retrouve face au mur. J'suis celui qui arrive par derrière pour t'enculer jusqu'au molaire. Tous les punks de France dans la rue, le poing serré, la crête tendue. Prêt pour la révolution, s'il faut on mangera des avions. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La révolte est en marche, l'anarchie c'est pour aujourd'hui. Les bourgeois on les arrache et on boit des bières toute la nuit. Oh, oh, que bon, pas content. Que bon, que bon, que bon, pas content du tout. Salaud. Les bourgeois on les arrache et on boit des bières toute la nuit. Oh, oh, que bon, pas content. Que bon, pas content. Mais pas du tout.